consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et je m'en voudrais de ne pas commencer l'émission en remerciant tous ceux qui ont contribué la semaine dernière à ce que la 16e édition du festival Terra Incognita soit une belle réussite, une belle fin de semaine magique. Encore merci pour votre support. Et on y va en musique maintenant. On va regarder ce qu'on a au menu ce soir. Et on commence avec Carfagen, un extrait de l'album Birds Instrumental, le disque bonus qui accompagnait Passage to the Forest of Mysterious, paru cette année. Et on aura aussi un second extrait de Sand Project, leur plus récent album qui a pour titre Pride. Et puis Marc, après, je pense qu'on se dirige vers la Norvège. Oui, en effet, avec la formation Ring van Mobius, qui feront paraître le 14 juillet prochain leur troisième album, intitulé Commissioned Works Part 2, Six Drops of Poison. Et on aura un nouvel extrait pour vous ce soir, le troisième, avec la pièce de 10th Chapter, Paradoxal Fate, et ça se décline en trois sous-parties. Et ce sera suivi de la formation française Oyapok. Ils sont de Strasbourg, et c'est leur premier album qui est paru au mois de février 2023, qui a pour titre Oysolun. C'est une musique qui mélange le jazz moderne et le rock progressif. Alors, on aura la pièce Summer 19, et comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec Carfagen. Thank you. was made wasn't fine, but as could see weaker with a weaker mind. Why do the worthless gain power? Why the selfless die? His father and son will appear in his life soon. It's the nature of my kind. Some seek power and control and are blind to the pain they inflict. They turn the TV and the blind. So let us walk towards the future. Of your mind. voices, voices from unknown tongues. A dialogue between the mind and its carrier. Lacking of clearance, the eyes turn to iron, then to stone. We'll be right back.

de vous mettre du cinéma plein les oreilles. Anthropocène, le très attendu spectacle des finissants de l'École de cirque de Québec, s'en vient du 1er au 4 juin. Dans une mise en scène de Maxime Perron, créée sur mesure avec les 18 finissants à la formation supérieure en art du cirque. Rendez-vous sous le toit de l'école à Limoilou pour découvrir leurs prouesses dignes des standards du cirque professionnel dans un spectacle qui se veut voyage poétique au cœur de couches géologiques, des entrailles de la Terre à la stratosphère. À ne pas manquer. Billets disponibles sur eventbrite.ca. Programme complet des jours de cirque sur jour avec un S de cirque.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. On va donner le coup d'envoi de ce nouveau bloc musical avec la Mascherata di Cera qu'on a eu le grand plaisir de voir la semaine dernière dans le cadre du Festival Terra Incognita. Une prestation que je pourrais qualifier d'inoubliable. Juste avoir le sourire des gens à la sortie de ce concert. Je pense que ça va rester parmi les meilleurs concerts présentés dans le cadre du festival. Et on va vous présenter un extrait du second album qui a pour titre Il Grande Labirinto. Et c'est un album qui vient d'être réédité en Italie avec des pièces bonus, dont une version différente de Il Grande Labirinto, la pièce titre, et c'est d'ailleurs cette pièce qu'on a choisi de vous présenter ce soir. Et puis on aura aussi du New Jersey, le groupe Karmic Juggernaut, qui a lancé récemment son second disque qui a pour titre Fantasma Gloria. Un premier album a été présenté en 2018 sous le titre de Dreams That Stuff Are Made Of. Un groupe qui propose un rock progressif que je pourrais qualifier d'éclectique. Il y a du psychédélisme, il y a du jazz, et c'est vraiment très intéressant. Et puis pour conclure ce bloc, Marc, on va avoir deux nouveautés italiennes. Oui, on aura d'abord Stefano Panunzi, qui a fait paraître son premier album en 2005. Il est compositeur, joue des pianos et claviers, et il y a de nombreux invités sur ses albums, dont le plus récent, Pages from the Sea. Il y a des invités assez connus, comme Jack Zick et Pat Mastelotto, entre autres, Marcus Rutter, et c'est son quatrième album en carrière. Alors on aura la pièce Not Waving But Drowning, et ce sera suivi de la formation Antilabé, qui ont aussi quatre albums à leur actif. Leur plus récent vient tout juste de paraître, Animi Motus. Et on aura pour vous la pièce Timor Panico. Mais comme vous le disait Michel, et d'ailleurs Michel, merci beaucoup pour ce merveilleux festival et de nous donner la chance de voir des groupes comme la Mascherata di Cera à Québec. Alors on ira avec une pièce de ce grand groupe italien. history. I could have been the clues. Untangled all the mysteries and turned them into news. In the end, I could have been anyone. Frankly, anyone would do. Looks like you wanted an alibi. Someone to abuse. sai, all'incerto davanti a me. Rallenta il battito, cuore mio, nuovi equilibri per noi. Ora fuggi da, e la vita si impara così. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL, la radio culturelle au 89,1. Did you ever think that we could wait for it, wait for it, wait for it, wait for it this long? Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec la bossa nova de Bebel Gilberto. Pour la toute première fois, la fille de João Gilberto, considérée comme le père de la bossa nova, se consacre pleinement aux airs qu'il a popularisés. Un premier passage de l'artiste à Québec à ne pas manquer. Le 9 septembre, les rythmes chaleureux et suaves de la musique brésilienne seront à l'honneur au Palais Montcalm avec Bebel Gilberto. Détails au palaismontcalm.ca. Le Festitrade de Saint-Gabriel dans la Naudière t'invite à venir festoyer dans le cadre de sa 7e édition du 1er au 3 juin prochain. Venez faire la fête avec le Vent du Nord, musique à bouche, été, les campagnards, The Swindlers et le trio Je t'ai gagné Branchot. Camping et douche sur place. Détails et billetterie au festitrade.com. Plongez dans des histoires captivantes avec le projet de la coopérative Spira, La Caméra Brisée. Découvrez 4 courts-métrages audio de fiction. Du bout des ondes, La Garde forestière, Spice et Rémission. Chacun d'une durée de 10 à 15 minutes, ces histoires vous emmèneront dans un monde de suspense, de mystère et de rebondissements. Disponible dès le jeudi 25 mai sur La Fabrique culturelle. Ne manquez pas cette occasion unique de vous mettre du cinéma plein les oreilles. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves? Un spectacle hommage à Sylvain Lelièvre. Petit matin, sans horizon. Jo Bocan, Stéphane Archambault, café, Daniel Boucher, Florence K, Pierre Verville et plusieurs autres. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Tous réunis pour chanter les mots de la Sylvain Lelièvre. Est en appartement. En supplémentaire le 2 juin au Palais Montcalm de Québec. Billets sur productionmartinleclerc.com. Comment ça va, vieux frère? Album hommage également disponible partout. Pour le meilleur du métal à Québec. Vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un groupe de la Grèce, une formation que j'aime beaucoup, qui a pour nom Cicada et qui ont fait paraître leur plus récent album en 2021, intitulé Harvest, un grand coup de cœur. Alors, on aura la pièce No Man's Land. On aura également un extrait d'un album de The Samurai of Prague qui est paru l'an dernier, en 2022. Et c'est l'album Anthem to the Phoenix Star qui rend hommage au fameux vaisseau de Star Wars, le Phoenix Star. Ce sera la pièce Don't Be Afraid et il y a sur ça le chanteur John Wilkinson qui est un Britannique qui fait partie maintenant d'un groupe hommage à Genesis et c'est une composition de Marco Grieco. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une pièce de Marco Bernard. Oui, il s'agit d'une pièce du tout premier disque solo du bassiste de Samurai of Prague, Marco Bernard. L'album a pour titre The Boy Who Wouldn't Grow Up. On retrouve sur ce disque de très nombreux invités, dont notamment Matthew Parmenter de Discipline et de nombreux autres. Et on va écouter la pièce The Return Home. Thank you. the show that would make a queen cry. They played along with everything that you were trying to say. You were still her little pigskin when she hit you with a broom. Don't be afraid, tuck you in, hold you like a teddy bear, and you'll be safe. Just don't look. Just don't listen. Just wait. Never give up. To thank and everybody lied. Memories have been moving things, starting to fade away. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous avez le goût de faire de la radio? De partager vos connaissances et découvertes musicales avec l'auditoire de CKRL? C'est maintenant le temps de soumettre votre projet d'émission bénévole pour la saison d'été 2023. Pour plus de détails, rendez-vous au www.ckrl.qc.ca. Mais faites vite, la date limite est le 1er juin 2023. CKRL, une vitrine culturelle, un laboratoire et un lieu de rencontre et de découverte depuis 50 ans. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Retour à l'émission Terra Incognita. Alors, ce que vous venez tout juste d'entendre, c'est une pièce de la formation américaine Fido, tirée de leur plus récent album Infernal, paru en 2018. Et c'était la pièce C99. Juste avant le bloc musical, on avait eu une courte pièce instrumentale de la formation italienne Phoenix Again, tirée de leur plus récent album. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une excellente formation italienne, Michel, tirée de l'album Per Espera ad Astra. Oui, on va écouter un extrait du cinquième album de la formation italienne Taproba, un projet du claviériste Gianluca De Rossi. Et ce disque a été lancé en 2017. On est sans nouvelles de Taproba depuis, mais par contre, le claviériste a mis sur pied un tandem du nom de De Rossi et Bordini, et un album est paru en 2022. Et on y va avec la pièce Outside Nowhere de Taproba. Thank you. c'est déjà le temps de vous quitter. Et ce soir, on va conclure l'émission avec un extrait d'un album paru en 2013, Automatic D, de la formation américaine Little Atlas, une formation qui de Miami, pour être plus précis encore. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.